Chapitre 24e, les lettres ineffaçables. Dans l'après-midi, Paulin Broquet trouva le moyen d'arriver jusqu'au général. Il demanda à voir la chambre sur les murs de laquelle les lettres de feu brillèrent. Longuement, il regarda, étudia le mur, employa une loupe. Il approcha son nez du papier du mur, sentit, et se tournant vers le général, dit « Oui, c'est cela. On a tracé ces inscriptions sur le mur avec du phosphore. Le papier porte encore la marque des lettres. Il garde aussi la senteur caractéristique du phosphore. Vous croyez que c'est cela ?» demanda le général, anxieux. « N'en doutez pas. Mais le remède, pour que ça ne recommence pas. Le remède, il est bien simple. Laissez vos croisées ouvertes. Faites que le jour pénètre dans la chambre. Le phosphore s'évaporera facilement à l'air. Faites cela, et ce soir vous n'aurez aucune inscription dans votre chambre. » Le général admettait à moitié ce que lui disait Paulin Broquet. « Pour plus de tranquillité, finit-il par déclarer, je ne vais plus coucher dans ma chambre. Où pensez-vous dormir? En bas, dans la salle des armures. Précisément, les croisées sont très larges. L'air y entre à flot et le soleil y pénètre amplement jusqu'au soir par les grandes baies. De la sorte, le phosphore, si on se sert encore de cela pour écrire, ne pourra briller dans la nuit. D'autre part, les murs sont couverts de panoplies. Ils n'offrent aucune place pour y mettre une inscription. Nous voilà tranquilles. » Paulin Broquet approuva la décision du général de coucher dans la salle des armures. Il se retira en demandant qu'on l'avertisse le lendemain si un nouvel incident s'était produit. Toutefois, au moment où il allait quitter la salle des armures pour prendre congé, il revint, et il examina une dernière fois les murs puis le parquet. « Sur les murs, dit-il au général, je ne vois pas le moyen de placer d'inscription. Il y a bien les portes, mais ce serait trop petit. Pas de place, pour un mot seulement, ou un dessin, ou un signe. Reste le plancher. Il n'a pas de tapis. Il est trop tard pour en trouver un de ces dimensions et pour l'installer. Vous croyez qu'il pourrait écrire sur le plancher? Il n'y a pas de raison qui les en empêche. Seulement c'est risqué. On marche sur le plancher et leur inscription serait effacée promptement. » Paulin Broquet ajouta. Toutefois, il serait bon, pour leur rendre l'application des traits de phosphore plus difficile, que vous fissiez cirer consciencieusement le parquet. Ça va être fait. Bon. Maintenant, d'ailleurs, général, vous êtes prévenu. Vous savez en quoi consistent ces terribles inscriptions. Elles ne sont pas plus dangereuses que des allumettes de la régie française. Donc, si par hasard, vous en voyez luire cette nuit sur un panneau, un mur, une porte ou à la croisée, enfin, sur une surface quelconque que je ne prévois pas, n'hésitez pas, ne vous troublez pas. Regardez-la briller tant qu'elle brillera. Et si cela vous ennuie, si cela dure trop longtemps, prenez un chiffon quelconque, une éponge à sec, effacez-la, et ce sera tout. » Il vint lui-même surveiller le travail. Après quelques jurons, quelques coups de pied donnés, non pas au parquet, mais au cireur, ce fut parfait. « À glace, bon, ça va, dit le général, ça glisse. » Les croisées toute la journée étaient demeurées grandes ouvertes. Le jour, l'air, la lumière étaient entrés à flot dans la pièce. « Tout de même, dit le général, rassuré, content, lui aussi plus tranquille. Nous allons probablement passer une bonne nuit. » Ils couchèrent donc tous deux dans la salle des armures. Le général sur son lit de camp, Ossip sur le plancher où il avait la veille si admirablement dormi, et comme il le déclara, qu'il trouvait plus moelleux maintenant qu'on l'avait ciré. Obéissant au conseil de Paulin Broquet, le général avait fait préparer par Ossip des torchons, des éponges pour effacer les inscriptions s'il en apparaissait. Le général ne tarda pas à s'endormir. Quant à Ossip, il semblait n'attendre que le premier ronflement de son maître pour partir, lui aussi, dans le royaume du rêve. Comme tous ces soirs-ci, brusquement, tous deux furent réveillés. La salle des armures était plongée dans l'obscurité complète. Le général et Ossip regardèrent instinctivement sur les murs. Rien n'y apparaissait. Sur le parquet, rien non plus. Alors leurs regards se portèrent du côté des croisées, et ils poussèrent un cri d'étonnement. Une croisée semblait illuminée, et facilement on pouvait lire ce qu'elle portait d'écrit en lettres de feu. Mais ces lettres, ce soir, n'étaient pas bleutées comme celles de la veille, elles étaient plus claires, presque rosées. L'inscription portait « Si tu n'obéis pas demain, dans 3 jours, tu seras comme tu es, regarde-toi. » Mais le général maintenant savait à quoi s'en tenir. Il fit tourner par Ossip le bouton qui commandait les ampoules électriques, et très tranquillement, il dit à son intendant « Va frotter les lettres, frotte fort, efface-les » Ossip, non sans une certaine anxiété, alla jusqu'à la croisée et muni du torchon, il frotta énergiquement les carreaux. « Bon, » fit le général, « ça doit être parti. » Pour s'en assurer, il tourna lui-même le commutateur et fit la nuit. À son grand étonnement, les lettres apparurent aussi brillantes, aussi nettes qu'auparavant. Il lança aussitôt aussi puis une apostrophe sonore. « Tu n'as pas su frotter » cria-t-il. « Frotte encore !» Ossip, de nouveau, énergiquement, passa le torchon sur la glace. Le général, qui jouait le rôle d'électricien, fit la nuit. Comme tout à l'heure, les lettres se montrèrent très brillantes, très claires dans la nuit. À haute voix, le général, encore une fois, relut ces mots. « Si tu n'obéis pas demain, dans 3 jours tu seras comme tu es, regarde-toi » Le général ne comprenait pas ce que cela signifiait. Ossip encore moins. Le malheureux Ossip frottait, et sous son torchon qui échauffait le carreau, les lettres inattaquées, intactes, semblaient de plus en plus brillantes. « Dans 3 jours, répétait le général, tu seras comme tu es, regarde-toi. » Un travail lourd, très lent, difficile, pénible et absolument inutile se faisait dans son cerveau. Il ne devinait pas ce que voulait dire cela, « Dans 3 jours, tu seras comme tu es, regarde-toi. » Alors il cria aussi, « Eh bien, tu n'effaces pas ? Impossible, les lettres glissent sous le torchon. Tu n'es qu'une brute. Ôte-toi de là, je vais les effacer, moi. » Il prit une chaise et à toute volée l'envoya dans la croisée. La vitre n'y résista pas, elle vola en morceaux et avec elle, naturellement, l'inscription disparut. Alors le général éclata de rire. Et en goguenardant, il répéta ce que contenait l'inscription brisée. « Si tu n'obéis pas demain, dans 3 jours, tu seras comme tu es, regarde-toi. » Il ajouta, s'adressant à la vitre brisée, « Je n'obéirai pas demain, ni après-demain, et toi, c'est certain, tu ne seras pas dans 3 jours comme tu es ce soir, car je t'aurai fait remplacer. » Puis il alla triomphalement avaler un grand verre d'eau-de-vie et engagea aussi pour en faire autant. Dirais-je qu'Ossip ne se fit pas prier, même quand il fallut, pour fêter mieux encore la délivrance de ce cauchemar, des inscriptions de l'au-delà, boire encore. Inutile, n'est-ce pas? Mais, dit enfin le général, posant son verre, vide, bien entendu, sur la table, maintenant que nous voilà débarrassés de ces placards, dormons, dormons, dormons bien. Bonne nuit, mon vieil Ossip, bonne nuit. Il lui cria, éteins l'électricité. Ossip alla au mur tourner le commutateur, puis, quand la nuit absolue régna dans la salle des armures, il regagna à tâtons la grande table pour s'y loger dessous, reprendre son lit de parquet. Un cri d'effroi du général retentit alors, un cri d'épouvante. Dans la nuit, Ossip se tourna vers le lit de son maître affolé, et aussitôt, lui aussi, il poussa des cris de terreur aussi forts que ceux que venait de pousser le général. « La mort ! La mort !» hurlèrent en même temps les deux hommes. Ossip se recula épouvanté, bousculant les meubles, se cognant enfin au mur. Le général se rejeta dans l'angle de la salle où le lit de camp était dressé. « La mort ! La mort » répétait-il, « la mort !» Dans la salle des armures, en effet, de têtes de mort lumineuses bougeaient, s'agitaient, remuaient. Et comble d'épouvante, on saisissait le jeu de leur physionomie, car ces têtes de mort semblaient pouvoir, comme des figures vivantes, refléter les sentiments de l'âme, les sensations du corps. Elles regardaient ces têtes de mort, car dans les trous noirs de leurs orbites, les yeux vivants brûlaient. Elles parlaient, car leurs mâchoires bougeaient, s'ouvraient, se fermaient, montrant les rangées non intactes des dents. Et ces deux têtes de mort, brillant dans la nuit comme des globes macabres entourant des lampes, se regardaient l'une et l'autre, ne pouvant détacher le regard de l'une et de l'autre. Et plus elles se regardaient avec leurs yeux, point de feu dans le rond noir des orbites, plus ses yeux manifestaient leur épouvante, plus les bouches qui hurlaient à la mort se crispaient dans un rictus de terreur. C'était effroyable, d'une horreur indescriptible.